L'affaire est aussi effrayante qu'inimaginable. L'existence d'une colonie nazie établie depuis plusieurs dizaines d'années en Amérique du Sud, au Chili précisément. Une colonie établie au vu et au su de tous, même si son accès était interdit aux visiteurs. Un État dans l'État qui bénéficiait et bénéficie encore de nombreux avantages économiques et douaniers, qui a servi de refuge à des dignitaires nazis et où de nombreux crimes ont été perpétrés. Crimes sexuels, mais aussi politiques sous la dictature de Pinochet. À la tête de cette colonie concentrationnaire, un homme étrange, mi-gourou, mi-fureur, un certain Paul Schaeffer, ancien brancardier de la Wehrmacht, admirateur de Hitler et pédophile notoire. Un individu qui a aujourd'hui disparu et qui est activement recherché par Interpol. Mais ne se cache-t-il pas au sein de cette colonia Dignidad qui portait au temps de sa splendeur le nom officiel de Société Dignité de Bienfaisance et d'Éducation, à moins que Schaeffer ne soit tout simplement mort. Le mystère demeure, mais ce n'est pas le seul, à commencer par celui-ci. Comment expliquer l'impunité dont a si longtemps bénéficié la colonia, alors même que le Chili est redevenu une démocratie? Et pourquoi la justice a tant tardé à s'intéresser à cette étrange colonie? Monsieur X a son idée, dans un instant, son explication. Une quinzaine de milliers d'hectares adossés à la cordillère des Andes, une clôture ininterrompue de barbelés électrifiés avec de loin en loin des miradors. C'était la Colonia Dignidad. Ouais, ça rappelle quelque chose. Naturellement, ça, hein. Les promoteurs de cette entreprise avaient été à bonne école, si j'ose dire. Mais avant de voir ça de plus près, vous devez savoir que cette idée de créer des colonies de citoyens allemands à l'étranger n'était pas nouvelle. Au 19e siècle, déjà, des intellectuels allemands avaient imaginé un tel système. Ouais, à l'époque du pan-germanisme. Oui, des colonies qui, installées un peu partout dans le monde, devaient servir de point d'appui à une conquête de la planète par le Reich. Au nom de la suprématie raciale des Aryens? Bien entendu, c'est une idée que reprendra Adolf Hitler. C'était son objectif s'il avait gagné la guerre. Autre chose, il existait depuis longtemps chez les Allemands un tropisme qui les poussait vers l'Amérique du Sud et particulièrement au Chili. Pourquoi là? Franchement, je ne sais pas trop, mais il est vrai que le paysage de certaines régions du sud du Chili ressemble beaucoup à ceux de Bavière et du Tyrol autrichien voisin. En outre, au 19e siècle, des colons allemands ont été officiellement appelés par les autorités chiliennes pour mettre en valeur des terres confisquées aux Indiens. Combien? On estime qu'une trentaine de milliers d'Allemands ont répondu à l'appel du Chili et ont donc choisi le chemin de l'exil. Ça aura une conséquence importante. Les Chiliens feront aussi appel à des Allemands pour moderniser leur armée. Oui, à des militaires prussiens. C'est ça, oui. Des Prussiens auréolés par leur victoire sur la France en 1870. Mais il en résultera que l'armée chilienne va être durablement influencée par le militarisme prussien. Un militarisme fortement teinté de nationalisme, bien évidemment. Vous voulez dire alors que les militaires chiliens seront politiquement plutôt attiré par la droite dure. Et même par les théories extrémistes. Ouais, fascistes. Non, sans nul doute. Dans la première moitié donc, du siècle dernier, il s'est même créé aux franges de l'armée des partis ou mouvements d'extrême droite. Et même une succursale du parti nazi allemand. Alors ça signifiait qu'il existait des liens très forts entre les deux pays. Non, incontestablement. Naturellement, sous pression de Washington essentiellement, ces liens vont se distendre pendant la Seconde Guerre mondiale et le Chili, neutre jusque-là, finira par prendre position contre l'Axe. Bon, ça n'empêchera pas les militaires chiliens de demeurer très influencés par le militarisme allemand. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on étudie Mein Kampf à l'école militaire chilienne. C'est extraordinaire, ça. Enfin, en tout cas, ça explique beaucoup de choses. Bien sûr. D'autant que malgré le départ de Pinochet, l'armée jouit toujours de pouvoirs exorbitants dans une démocratie. Elle dispose, par exemple, d'une large autonomie à la fois administrative et financière, et les forces armées se sont instituées garantes de l'ordre institutionnel. C'est-à-dire que, malgré la fin de la dictature, hein, le pouvoir chilien demeure sous surveillance. Absolument. J'ajoute, c'est assez inimaginable, que l'armée perçoit tous les ans 10% des revenus des exportations de cuivre. Ça, c'est la principale ressource du pays. Oui, et ça lui permet d'acheter presque autant d'armes qu'elle le veut. L'armée chilienne est aujourd'hui l'une des mieux équipées d'Amérique du Sud. Alors que, ma connaissance, le Chili n'a pas d'ennemis déclarés. Et aucun conflit de frontières. Enfin, passons. Même si je trouve ça très inquiétant. En tout cas, ça explique aussi pourquoi Pinochet mourra vraisemblablement dans son lit, sans jamais avoir été jugé. Bien entendu. S'en prendre à Pinochet, c'est se mettre à dos une grande partie des militaires du pays. J'ajoute, pour en finir avec ce chapitre sur l'influence allemande en Amérique du Sud, que pas mal de nazis ont trouvé refuge sur ce continent après la guerre. Alors, en Argentine surtout. Hein. C'est vrai, l'Argentine de Perón, mais aussi au Paraguay, au Chili. Il existait donc un terreau favorable dans ces pays pour l'accueil des Allemands, surtout quand ils avaient un passé nazi. Alors, pardonnez-moi pour cet indispensable préambule et venons-en à l'histoire de cette mystérieuse colonia d'Unidad. Son créateur est donc un Allemand, Paul Schaeffer, docteur Schaeffer, comme il aime à se faire appeler. Pourquoi il a une raison de mériter ce titre de docteur là. Aucune, non. Sinon d'avoir servi comme brancardier dans l'armée allemande pendant la guerre. Ça me paraît quand même un peu mince. En effet, mais enfin, peu importe, ça doit satisfaire son ego. Ouais, je remarque que vous en parlez au présent. Ah, hein. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, il vit toujours. Enfin, on en reparlera. Schaeffer est borgne et porte un œil de verre. Pourquoi ce détail-là ? Ah ben parce que cette infirmité a fait le désespoir de sa jeunesse, car elle ne lui a pas permis d'effectuer un service actif dans la Wehrmacht ou la SS, ce qui était certainement son ambition suprême. Ouais, ça veut dire que c'était un nazi. Et un nazi nullement repenti. Après la guerre, ce type se reconvertit comme batteleur de foire. C'est une sorte de révélation. C'est-à-dire ? Schaeffer a du bagout. Il sait parler à la foule et ça lui donne une idée, devenir prédicateur. Oui, ouais. alors de butler à prédicateur... Ah mais il y a de nombreuses ressemblances. Regardez les pasteurs nord-américains lorsqu'ils organisent des shows parfaitement mis en scène. Ben d'accord, admettons-moi. Mais lui, là, il prêche pour qui hein? Ah bah pour sa propre paroisse, si je puis dire. Schaeffer se veut indépendant de toute église. Et avec un autre prédicateur qui est un ancien à Luftwaffe, un certain Schmidt, ils fondent une communauté liturgique où les fidèles sont invités à vivre à l'exemple du Christ. Ouais. C'est un chrétien convaincu ? Sincèrement, non, je ne le pense pas. En fait, ce qu'il cherche, comme beaucoup d'autres dirigeants de sectes, c'est d'abord à ponctionner le portefeuille de ses adeptes. Mais il y a autre chose d'encore plus douteux. Schaeffer et son acolyte créent près de Bonn un orphelinat destiné à recueillir les jeunes en difficulté. Ouais, je vois où vous voulez en venir, là. Oui, Schaeffer est très attiré par les jeunes garçons. Et cet orphelinat lui sert d'abord à recruter les proies. C'est un pédophile, quoi. Sans aucun doute. Mais au début des années 60, la police commence à s'intéresser à lui. Parce qu'il y a eu des plaintes. Oui. Et Schaeffer se dit qu'il va être grand temps de prendre le large. Or, fort heureusement pour lui, il a fait la connaissance de l'ambassadeur chilien à Bonn. Il lui a naturellement vanté son travail auprès des jeunes. Quel travail. Et le diplomate... admiratif, lui propose donc de créer une œuvre semblable dans son pays où il existe de nombreux enfants en déshérence. Mmh. Et alors, j'imagine que Schaeffer s'empresse d'accepter pour échapper à la police. Voilà, d'autant plus que l'ambassadeur s'engage à lui trouver un lieu pour installer son établissement charitable. Et il tient parole là. Effectivement, c'est ainsi que Schaeffer se voit offrir une immense propriété de 3000 hectares, à un peu plus de 300 km au sud de Santiago. Un endroit où, il faut le souligner, se sont déjà établis de nombreux Allemands. Et là, alors, Schaeffer remonte un orphelinat ? Bien sûr, mais ce n'est qu'un début pour la colonia d'Unidad, comme elle va officiellement s'appeler. En fait, Schaeffer nourrit des ambitions autrement plus importantes. Alors quoi ? Il veut faire de cette entité territoriale une sorte de petite société nazie, quasi autarcique et extrêmement prospère. Et pour cela, forcément, il va peu à peu grignoter les terres qui se trouvent autour. Assez rapidement, la colonia regroupera presque 15 000 hectares. Une véritable petite ville avec son école, son service de santé, ses industries et son agriculture. Et même son aérodrome. C'est une sorte de ville close. Et évidemment. La propriété, je vous l'ai dit, est protégée de l'extérieur par un système de surveillance rigoureux et hermétique. Et le progrès technologique aidant, les murs de barbelés, les miradors seront équipés de caméras dernier cri. Ah, c'est donc qu'il y a des choses à cacher. Ah, beaucoup de choses, oui. C'est pour cela que le plus grand secret entoure tout ce qui touche à la colonia. Deux journalistes, Maria Poblet et Frédéric Ploquin, ont enquêté sur la colonia d'Unidad. Non, sans difficulté, comme vous pouvez l'imaginer. Le résultat de leurs investigations a été très récemment publié chez Fayard sous le titre « La colonie du docteur Schaeffer, une secte nazie au pays de Pinochet ». J'en extrais... C'est quelques lignes. Les deux auteurs évoquent la personnalité de Schaeffer. L'imaginer en cadre supérieur du national-socialisme triomphant était assez tentant, mais probablement trop facile. En fait, cette brillante carrière lui était passée sous le nez. Il avait dû se contenter d'un rôle subalterne en raison de son infirmité, son œil de verre. Il avait porté la tunique blanche des brancardiers de la Wehrmacht. Il avait ramassé et transporté les hommes blessés ou morts au combat. Pas forcément un rôle très héroïque, mais l'emploi correspondait plutôt bien à son profil. Né En 1921, Paul Scheffer n'était pas assez expérimenté ni assez mûr pour gravir d'autres échelons avant la disparition d'Adolf Hitler. En avait-il conçu de l'amertume ? Vraisemblablement. Plusieurs principes chers au régime nazi avaient d'ailleurs servi d'armature idéologique à la Colonia Dignidad. Glorification du travail, eugénisme, soumission des êtres et des âmes, suprématie de l'homme sur la femme, système de répression militarisé. Ce petit foyer européen transposé dans les Andes s'employait à ne pas démériter du fascisme. Alors, que fallait-il cacher, toujours ces histoires de petits garçons ? Non, certainement, car Scheffer n'a pas renoncé à ses pratiques sexuelles coupables, bien au contraire. Et la Colonia va lui permettre de satisfaire ses goûts sans aucun risque. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, il faut bien comprendre comment fonctionnait Dignidad et surtout comment elle était insérée dans la région. Justement, alors, comment les habitants du CRU ont-ils vu l'installation de cette colonie fermée ? Eh bien, Scheffer et ses complices ont été très habiles. Pour effacer l'impression désagréable des barblés et du reste, ils ont proposé aux habitants, généralement de pauvres paysans, de mettre à leur disposition quelques-unes de leurs installations, à commencer par l'hôpital. Un véritable hôpital ? Oui, oui, et les paysans ont peu à peu pris l'habitude de venir s'y faire soigner, parce que c'était la seule structure sanitaire moderne de la région et que les soins étaient gratuits. Oui, mais est-ce que c'était compatible avec l'aspect quasi carcéral de la colonia ? Tout à fait, parce que son système de fonctionnement était parfaitement hermétique. Scheffer régnait d'une main de fer sur la colonia. Tous ceux qui y habitaient étaient à ses dévotions et lui obéissaient au doigt et à l'œil. En fait, il avait institué un véritable embrigadement religieux, psychologique et même médical. Médical. Exactement. À la colonia, on faisait une grande consommation de tranquillisants. Scheffer et ses acolytes régnaient sur une population de zombies qui travaillaient du matin au soir pour eux. Ouais. Les esclaves, ça. C'est ça, oui. Et les barbelés étaient autant destinés à protéger la colonia du monde extérieur que pour décourager toute tentative de fuite de cette population soumise. Oui, enfin, attendez. Ces esclaves-là, d'où venaient-ils ? Ah ben, c'était essentiellement des gens qui avaient été recrutés localement. Et aussi dans la communauté allemande ? Oui, mais il y avait aussi des Chiliens. Rien de plus facile que de faire venir à la colonia des personnes qui vivaient dans la misère. En outre, il y avait l'école. Une école qui accueillait gratuitement les enfants de la région. Et les familles étaient donc ravies de confier leurs enfants à cette institution, ou, pensaient-ils, on leur donnerait une bonne instruction. Et pourtant, ils auraient dû se méfier. Alors, pourquoi se méfier là ? Parce que lorsqu'on entrait à la colonia, on n'en sortait plus. Les enfants étaient coupés de leurs parents et dès qu'ils étaient en mesure de travailler, ils rejoignaient les rangs des esclaves. Quant aux petits garçons, je vous laisse imaginer ce qu'ils devenaient. Des proies sexuelles pour Scheffer ? Naturellement. Et d'autres enfants, même si c'est difficilement croyable, ont aussi fait l'objet d'expérimentations médicales. Font à l'imitation du sinistre docteur Mengele. Mengele, qui a d'ailleurs sans doute été l'un des pensionnaires de la colonia, comme d'autres grosses pointures du Troisième Reich. Le petit royaume de Scheffer était l'endroit idéal pour se cacher. Mais quand même, comment expliquer que cette société concentrationnaire n'ait pas attiré l'attention des autorités ou suscité des plaintes ? Scheffer entretenait d'excellentes relations avec les notables de la région qu'il traitait généreusement. C'est-à-dire ? La colonia était prospère, je vous l'ai dit, et ses produits agricoles étaient excellents. Scheffer n'hésitait jamais à en faire profiter ceux qui pouvaient lui être utiles. Et lui assurait surtout la tranquillité. Bien entendu. C'est ça. Et en plus, il ne fait aucun doute que Scheffer jouissait de haute protection à Santiago même. Vous voulez dire des protections politiques ? Oui, mais pas dans les cercles les plus progressistes, comme vous pouvez l'imaginer. J'en veux pour preuve les privilèges exorbitants de la colonia Dignidad. Elle était non seulement exemptée d'impôts, mais aussi de droits de douane. En fait, la colonie de Scheffer bénéficiait très légalement d'un véritable statut d'extraterritorialité où les policiers, évidemment, ne venaient jamais fouiner. Mmh. Et dans les milieux conservateurs chiliens, on citait par exemple cette ferme modèle et l'action sociale de ses fondateurs. Mmh. Et donc, aucune plainte ? Si, au milieu des années 60, un certain Müller parvient à s'enfuir. Il porte plainte et révèle à la presse ce qui se passe à la colonia. Les travaux forcés, l'endoctrinement, l'usage des tranquillisants, les châtiments corporels et la séparation obligatoire des enfants et des parents, etc. Bref, ce qu'il décrit, c'est la vie d'un vrai camp de travail. Et une vraie prison. Et les déclarations de cet évadé font sensation. À tel point, d'ailleurs, que le gouvernement démocrate chrétien décide la création d'une commission d'enquête parlementaire. Et ça va être l'occasion de mesurer l'influence de la secte du pseudo-docteur Scheffer. Expliquez. Le rapport parlementaire, rédigé par une majorité de députés conservateurs, conclut qu'il n'y a rien n'a reproché à la colonie. Oui, absolution. Oui, oui. Et ça montre clairement que Scheffer dispose de sérieux appuis. Au Chili, mais aussi en Allemagne. Le gourou de la Colonia est très lié avec le leader bavarois, l'ultra-conservateur Franz Josef Strauss. Patron de la CSU. Oui, la branche bavaroise de la démocratie chrétienne. On verra d'ailleurs plusieurs fois Strauss à la Colonia. Et il ne sera pas tout seul. Et c'est sans doute l'une des clés de cette affaire. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Forcément. Oh, je vous en prie. Schaeffer, donc, entretenait aussi d'excellentes relations avec l'ambassade allemande à Santiago. Une ambassade qui le fournissait régulièrement en produits de la Colonia. En tout cas, là, si je vous ai bien entendu, là, grâce à ce rapport parlementaire, il s'en sort. Oui, et tout continue comme par le passé. Le travail forcé et l'exploitation sexuelle des enfants. Et vous avez parlé des appuis politiques de Schaeffer, des appuis de droite. Et d'extrême droite. Ah bon. Enfin, quand la gauche vient au pouvoir avec Salvador Allende. En 1970, oui. Ouais. Eh bien, très étrangement, le gouvernement socialiste ne cherche nullement à entraver les activités de la Colonia, ni même à condamner son existence. Comment vous expliquez ça, vous ? Je crois qu'il ne faut pas aller chercher très loin. Allende avait beaucoup d'autres chats à fouetter, et je pense que s'il était resté au pouvoir, il se serait certainement un jour ou l'autre intéressé à la secte de Schaeffer. Mais c'est vrai qu'on peut regretter qu'il n'ait pas détruit ce nœud de serpent. D'autant que sous le gouvernement d'unité populaire, Schaeffer est loin de rester inerte, bien au contraire. Alors que fait-il ? Eh bien, il commence par accueillir sur le territoire de la Colonia un groupe extrémiste, Patria y Libertad, dont le chef est en délicatesse avec le nouveau pouvoir. Puis il noue des contacts étroits avec les futurs putschistes. Les militaires. Oui, il semble bien que la Colonia ait hébergé à plusieurs reprises, d'ailleurs, des réunions des comploteurs de septembre 1973. Pas n'importe comment, Schaeffer penchait naturellement de ce côté-là. Hein. Et en collaborant avec ses futurs putschistes, il prenait des assurances sur l'avenir. Oui, la garantie de pouvoir continuer ses activités en toute tranquillité si le putsch réussissait. Et il ne doutait pas que ses amis lui seraient reconnaissants. Et ils l'ont été, alors ? Au-delà de toute espérance, oui. Mais il faut dire que Schaeffer a fait ce qu'il fallait. Dès la réussite du putsch, il s'est mis au service du nouveau pouvoir. Et c'est allé très loin. Car la Colonia va devenir une sorte d'annexe de la DINA, les services de renseignement militaire de Pinochet. Une annexe, c'est-à-dire ? La Colonia, on n'hésite pas à abriter les tortionnaires de la DINA et leurs prisonniers politiques, bien sûr. Alors ça veut dire qu'on y pratique la torture ? Oui, car à la Colonia, plus que dans n'importe quel autre endroit du Chili, on peut agir dans la plus grande discrétion. Il faut aussi ajouter que Schaeffer ne se contente pas d'accueillir ses spécialistes des interrogatoires musclés. Quand le besoin s'en fait sentir, lui et ses complices mettent la main à la pâte, selon de nombreux témoignages de prisonniers qui ont eu la chance de survivre à ses sévices. Schaeffer avait même mis au point une méthode quasi scientifique de torture à l'électricité. Ce type était donc non seulement un pédophile, mais un sadique. Absolument. Vous avez dit ceux qui ont eu la chance de survivre. Ah oui, parce que des dizaines de prisonniers qui sont passés par la Colonia n'ont jamais reparu. Quoi, assassinés ? Vraisemblablement, et enterrés dans des fosses communes. À moins que leur cadavre n'ait été dissous dans l'acide ou encore jeté dans la mer du haut d'un hélicoptère de l'armée. Mais à part ces témoignages de survivants, quelle preuve atteste de la complicité de la Colonia avec cette DINA là ? Ces chefs, dont le trop fameux général Contreras, ont été aperçus à la Colonia. Et Pinochet lui-même est venu visiter ses installations peu après sa prise du pouvoir. Quant à son épouse qui trouvait l'endroit... Madame Pinochet. Oui, qui trouvait donc l'endroit à son goût, elle a déclaré que la Colonia était un paradis d'ordre et de propreté. Je pense que ça se passe de commentaires. Mais c'est vrai que Schaeffer exigeait de ceux qu'il servait la plus grande hygiène. Ne prenait-il pas soin de laver lui-même les enfants dont il abusait ensuite ? Revenons au livre de Maria Poblet et Frédéric Ploquin. Les deux journalistes ont retrouvé un psychiatre, Louis Peebles, qui a été la victime de Schaeffer à la Colonia. À partir de son récit, voici ce qu'ils écrivent. La salle de torture était une sorte de vieux laboratoire équipé d'appareils en état de marche, mais hors d'âge. L'homme, à l'accent étranger, maître incontesté des lieux, lui était apparu comme un guide pour les autres. L'un de ses objectifs était manifestement d'enseigner aux Chiliens présents le maniement des instruments de torture. Ils employaient par exemple une espèce de poulpe dotée de nombreux tentacules électriques. On collait les extrémités en différents endroits du corps de celui qu'on voulait faire parler et on les actionnait alternativement au petit bonheur. Plus loin, Peebles témoigne à la première personne. Les décharges électriques étaient si violentes que mon corps était pris de convulsions. Même ligoté au lit, même menotté, on se tord en tous sens. À un moment donné, j'ai été tellement secoué que le lit s'est plié en deux. Ce genre d'incident ne cadrait pas avec les méthodes de Paul Schaeffer. Les Chiliens ont sorti le lit de la pièce, puis ils ont essayé d'en apporter un autre, mais trop large pour passer par la porte. La scène avait un côté comique, mais Paul Schaeffer était hors de lui. Il m'a asséné en plein visage un coup de poing si violent qu'il en a arraché mon masque. J'ai alors vu de mes yeux un homme d'une cinquantaine d'années, de type nordique, le teint hâlé, musclé, rassé, au regard dur. Pendant toutes les années de la dictature, c'est-à-dire jusqu'en 1989, Schaeffer a vécu des jours paisibles à la Colonia. Oui, mais est-ce qu'on savait au Chili, enfin, ou à l'étranger, ce qui se passait réellement là-bas? Évidemment, on ne savait pas tout, car il était extrêmement dangereux de s'intéresser à la Colonia. Un Russe naturalisé américain l'a d'ailleurs payé de sa vie en 1985. Que lui est-il exactement arrivé, celui-là? Ce scientifique qui avait fui l'URSS, c'était un adepte de la marche à pied. Et pour son malheur, il a dû s'approcher trop près de l'enceinte de la Colonia. Des policiers chiliens qui étaient acoquinés avec Schaeffer et n'avaient rien à lui refuser l'ont arrêté et l'ont remis dans les mains des sbires de la Colonia. Or, il se trouvait que peu de temps auparavant, deux colons avaient réussi à s'échapper. Ah oui, alors les dirigeants de la Colonia étaient sur ouais, les dents. Ah hein, oui, et ils ont dû considérer que ce malheureux randonneur préparait peut-être d'autres évasions. Le résultat, c'est qu'on ne l'a jamais revu. On a simplement retrouvé son sac au bord d'une rivière. Pour faire croire une noyade? Certainement. Toutefois, c'est vrai que grâce aux rares évadés, on a obtenu de l'extérieur de précieuses informations sur la réalité de ce qui se passait à la Colonia. Et dès 1977, par exemple, Amnesty International publie un rapport accablant sur la secte néo-nazie de Schaeffer. Un rapport si embarrassant pour les Allemands qu'un ami de Franz Josef Strauss a cru bon de créer aussitôt un cercle des amis de Dignidad. C'est la deuxième fois que vous me parlez de Strauss, là. Ce n'est certainement pas un hasard. C'est parce que vous me connaissez bien, monsieur Pinault. Enfin, laissez-moi poursuivre. À la fin des années 1980, l'étoile d'Augusto Pinochet commence à pâlir, même s'il demeure le chef des armées. L'élection présidentielle va mettre fin à cette dictature et porter au pouvoir un président démocrate chrétien. Patricio Aylwin, oui. Ouais. Et ça va permettre qu'on observe d'un peu plus près les activités de la Colonia. À l'initiative du nouveau gouvernement? Non, c'est en Allemagne que ça bouge. Ah bon? En Allemagne, où l'on trouve à juste titre que les rumeurs sur cette secte néo-nazie portent atteinte à la réputation allemande. Par conséquent, le gouvernement allemand demande officiellement à son homologue chilien d'ouvrir une enquête sur la Colonia. Mmh. Et il obtient... satisfaction? Officiellement, oui. Mais c'est sans compter sur les puissants soutiens dont dispose Schaeffer. À commencer par celui de Pinochet et donc de l'armée. Car mettre en cause la Colonia revient aussi à condamner l'attitude des militaires pendant la dictature. Ah oui, forcément. Ouais. Par conséquent, la première enquête se termine par un fiasco. La Cour suprême du Chili rejette toutes les accusations de violation des droits de l'homme et relève seulement le délit d'exercice illégal de la médecine. Ce qui n'est quand même pas grand-chose. Hein. Et puis c'est loin d'inquiéter Schaeffer, qui est par ailleurs défendu par une prestigieuse batterie d'avocats. Néanmoins, les dirigeants de la Colonia prennent leurs précautions. Ah oui, parce qu'en vue d'attaques ultérieures? Oui, la Colonia commence par changer de nom. Elle devient la Villa Baviera. Encore une référence à la Bavière de Franz Josef Strauss. Encore, oui. Et en même temps, Schaeffer détruit ou fait détruire pas mal de documents et il transfère à des sociétés écrans un certain nombre d'activités économiques de la Colonia et également la propriété des terres. Ah, ils se sont donc quand même très menacés. Ouais, incontestablement. Ouais. Et lui-même va peu à peu s'effacer. C'est-à-dire qu'il va cesser de diriger la Colonia? Non, mais il n'est plus en première ligne et il va carrément disparaître. Ça fait maintenant des années qu'on ne l'a pas vu, officiellement en tout cas. Alors, où est-il, selon vous? Il a peut-être pris la fuite de l'air, à moins qu'il ne soit toujours caché quelque part dans la Villa Baviera. Caché? Oui, parce qu'on a découvert au cours de perquisitions tout un réseau de souterrains. Il n'est pas impossible que Schaeffer, qui est maintenant un vieux monsieur, ait trouvé refuge dans un bunker souterrain seulement connu de ses proches. Bon, admettons. Enfin, s'il y a eu perquisition, c'est que la justice s'est tout de même décidée à enquêter sérieusement. C'est exact, mais ça a été une véritable guérilla, car les dirigeants de la Colonia et leur soutien politique et militaire ont multiplié les obstacles et les recours à chaque étape. Et pourtant, en 1996, la justice chilienne frappe un grand coup et instruit une plainte contre Schaeffer pour pédophilie. Et à cette occasion, des policiers pénètrent à l'intérieur de la propriété. Ils viennent arrêter Schaeffer? Oui, mais des colons les agressent, comme ils ont agressé un peu plus tôt des journalistes d'une chaîne de télévision allemande. En tout cas, Schaeffer demeure introuvable et refuse de se présenter devant la justice. Il y aura encore de nombreuses perquisitions. Le célèbre juge Guzman les conduit en personne. Guzman, c'est C'est le juge d'instruction qui a essayé de traduire Pinochet devant la justice. Et hein, qui a aussi enquêté sur les disparus. Mmh. Tous ces hommes arrêtés sous la dictature et qu'on n'a jamais revus. Mmh. Résultat de ces perquisitions, alors ? Bon, en ce qui concerne Schaeffer lui-même, je vous l'ai dit, il reste vain. Mais la pêche du juge Gussmann est quand même fructueuse. Car, outre la découverte des souterrains, il met la main sur de nombreuses archives. Ah, parce que Schaeffer n'avait donc pas tout détruit. Non, non, et ses précieux documents ont permis de mettre en évidence que la DINA, la police secrète de Pinochet, avait bien collaboré avec la Colonia et abrité d'anciens dignitaires nazis. Les dirigeants les plus éminents de la DINA venaient même y passer leurs vacances. Ouais. Par contre, les quelques fouilles effectuées sur le territoire de la Colonia n'ont pas abouti à la découverte de fosses communes. Enfin, sur une propriété aussi grande, ce genre de recherche avait peu de chances d'être couronnée de succès. Ouais. Et aujourd'hui, alors, la Colonia, ou plutôt la Villa Baviera, c'est ça, ouais, comment elle s'appelle désormais, est-ce qu'elle existe encore alors? Bah, parfaitement. Bien évidemment, elle ne fonctionne plus comme au temps où Schaeffer pouvait impunément violer des petits garçons ou torturer des prisonniers. Le personnel dirigeant a changé, les méthodes aussi. Mais pour l'essentiel, aussi extravagant que cela paraisse, le système demeure en place. Et encore assez récemment, des colons se sont enfuis de la Colonia. Alors, ça veut dire que la justice a échoué? Globalement, oui. Et il faut noter que la justice française s'est à son tour intéressée à Schaeffer. Pourquoi la justice française? Parce que plusieurs Français ont disparu sous la dictature de Pinochet. Et certains sont peut-être passés par la Colonia. C'est pourquoi le juge Leloir a lancé un mandat d'arrêt contre Schaeffer. Ouais. Alors, pour terminer, parlez-moi des liens de la Colonia avec la Bavière. Je vous ai dit que Strauss, quand il venait visiter ses amis de la Colonia, n'était pas seul. En effet, un certain Gerhard de Mertens, bavarois, lui aussi, l'accompagnait souvent. Cet homme était très attaché à la Colonia, et quand, pour la première fois, l'institution de Schaeffer avait été mise en cause par Amnesty International, c'est lui qui avait créé en Allemagne le cercle des amis de Dignidad. Oui, en effet. Mais qui était alors ce Mertens, c'est ça? Oui, un important marchand de canons. Un homme qui était aussi très lié au service de renseignement allemand, même américain. Mmh. Ah, il y a longtemps que vous m'avez pas parlé de la CIA. Hein. Passons très vite, si vous voulez bien. Voilà. Donc Mertens a beaucoup vendu d'armes en Amérique du Sud. Et il s'est sans doute servi de ses contacts avec les anciens nazis qui pullulaient dans certains pays du continent. Et ce trafic d'armes a vraisemblablement à voir avec la Colonia de Schaeffer. Et pourquoi? N'oubliez pas que les douaniers chiliens ne pouvaient pas contrôler ce qui arrivait ou sortait de la Colonia. La Colonia qui possédait son propre aérodrome. Mais l'intérêt de Mertens pour Schaeffer allait encore au-delà. Schaeffer avait en effet reçu l'autorisation d'exploiter un métal rare, le titane. Mmh. Un métal qui est très utilisé dans les industries de l'armement. Et je pense qu'il ne faut pas chercher ailleurs l'explication de la troublante impunité dont a joui Schaeffer pendant tant d'années. Oui, parce qu'on avait besoin de titane. Ah, oui. Par conséquent, il fallait laisser en paix Schaeffer, quitte à fermer les yeux sur ses turpitudes, même après le départ de Pinochet. Enfin, et j'en aurai terminé, il n'est pas impossible non plus que la Colonia ait été le théâtre d'autres expérimentations que médicales. C'est-à-dire, là, vous voulez, par exemple, L'observation des effets du gaz sarin sur les individus. Mais, si vous voulez bien, nous en reparlerons peut-être un jour, car l'homme qui a procédé à ces expérimentations, le Chilien Eugenio Berrios, a été assassiné dans d'étranges circonstances. En a-t-on fini avec la Colonia du docteur Schaeffer? Non, a répondu M. X, car elle existe toujours. Et ses mystères ne sont toujours pas dissipés. Voici par exemple ce que je lis dans un article du Monde paru en 1998. La télévision chilienne avait récemment diffusé des photographies inédites sur lesquelles on apercevait des travailleurs de l'enclave. Les parents de militants socialistes disparus sous la dictature ont affirmé y reconnaître des membres de leur famille recherchés en vain depuis bientôt un quart de siècle. Le docteur Armut Hopp, numéro 2 de la secte, a pour sa part parlé d'hallucinations. Les déclarations des familles font suite à celles d'un avocat qui, quelques jours auparavant, avait affirmé que, selon ses renseignements, des disparus seraient toujours en vie, retenus dans le réseau des tunnels souterrains qui parcourent les 18 000 hectares de la Villa Baviera, l'une des propriétés de l'ancienne Colonia. Et dans ce même article, un député socialiste chilien, Jaime Maranjo, affirme que, connaissant les méthodes dont les responsables de Dignidad sont coutumiers, Il ne serait pas étonnant que les prisonniers aient été victimes du même traitement de lavage de cerveau que Schaeffer et les siens exercent à l'égard des membres de la secte complètement coupés du monde extérieur. Enfin, je vous rappelle la récente parution chez Fayard du passionnant livre de Maria Poblet et Frédéric Ploquin, « La colonie du docteur Schaeffer, une secte nazie au pays de Pinochet ».